podcast sort. Mes copines me disent dans ta bouche y'a du feu. Non, moi je dis que tes mots sont faits de sucre. Tous tes parents ont le goût du miel. Et je veux goûter, regoûter, regoûter. T'es comme une tumeur dans le crâne. T'arrives à me bousiller la tête. Mais quand t'es loin, je suis d'humeur négatif. Mes proches doivent supporter mon impolitesse. Tu me fais du mal. C'est pas normal. Quand je veux m'éloigner, je suis dans le mal. T'es un vendeur de rêves. Tu me fais rêver, éveiller. Un vendeur de rêves. Quand je dors, je ne veux plus me réveiller. Un vendeur de rêves. T'arrives à m'émerveiller. Un vendeur de rêves. Mais je ne dois plus somnoler. Mes copines pensent que je vois flou. C'est du HD, j'y vois net. Au final, c'est lui qui deviendra fou quand je déciderai d'inverser les lettres. J'ai un point obscur dans le cœur, j'en ai vu de toutes les couleurs. C'est pas de la torture, j'ai décidé d'encaisser toutes les douleurs. Tu me fais du mal. Le jour devient la nuit, l'impossible devient possible. J'avais l'air innocente, aujourd'hui je suis prise pour cible. Tu peux le voir dans mes yeux, tu peux lire la vérité. Même si je mens, même si je mens.